pourrait partir, s'en aller loin, s'imaginer d'autres chemins, d'autres destins. On pourrait fuir, rêver d'autres choses, une nouvelle, s'inventer la vie. On pourrait partir, s'en aller loin, s'imaginer d'autres chemins, d'autres destins. On pourrait fuir, rêver d'autres choses, une nouvelle, s'inventer la vie. Amitié, c'est comme ça, faut se dire que c'est ça la vie. Certains te poussent.